Alors comme vous le savez, vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Alors n'étant pas certain d'avoir compris tous mes jeux de mots de ma chronique de la semaine dernière, consacrée à John Travolta, j'ai décidé de la réécouter et je me suis rendu compte, mais vous l'aviez sans doute vous aussi déjà remarqué, que j'ai tendance à parler un peu vite. J'ai donc décidé pour cette bio Obifilus Active d'aujourd'hui de prendre mon temps. Je vais donc vous parler de lui, de mon temps, d'Yves Montand, pas de lui, le playboy français, non. En plus, j'ai pas déjà parlé de moi la précédente émission. Si, Floriane, quand j'étais petit, on m'appelait le playboy des bacs à sable. Et comme je suis resté petit, on peut continuer à m'appeler comme ça. Yves Montand, lui, ne s'est pas toujours appelé comme ça. Étant italien d'origine, il est né sous le nom d'Ivo Livi. Quand à 17 ans, il lui a fallu trouver un nom de scène français, il a choisi Yves Montand, en souvenir de sa mère, qui pour l'appeler, lorsqu'il jouait plus jeune dans la rue, lui criait « Ivo Monta !» Anecdote véridique. C'est joli. Heureusement qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas utilisé les mêmes principes pour choisir mon nom de scène. Sinon, en me référant à ce que me criait continuellement ma mère, je me serais appelé « Jean-Paul, arrête de taper sur ton petit frère !» Jean-Paul X, c'est mieux. Et puis j'aime bien le X à la fin. Ça fait film. Yves Montand n'a jamais tourné dans les films X. Et pourtant, il aurait pu. Comme disait Marilyn Monroe, avec qui il a eu une aventure pendant le tournage du milliardaire, Yves Montand, il est bien monté. Poupoupinou. Je vous rassure. La prochaine fois, pour les imitations, je ferai appel à Thibaut. Mon Dieu. Quoi? C'est d'ailleurs suite à cette histoire qu'Yves Montand et sa femme s'ignoraient. C'est l'on fire, Jean-Paul. T'es en forme. Voilà, bon, bien pourvu par la nature, Yves Montand ne se priva pas de faire des folies de son corps. Ce sera sa période, la folie des grandeurs. Ses grandes heures au cinéma, il les vivra avec Claude Sautet, sur tout ce qui bouge. Encore un qui aurait pu faire la boum. Sautet, boum, on se croirait dans les répliques explosives de Gilles. Boum, dans lequel a joué le sublime. Mais je m'égare. Du Nord, où je te rappelle Sophie, nous avons rendez-vous demain matin 8h17, précise, pour un week-end en amoureux à Berck. J'ai tout réservé, l'hôtel Formule 1, le flunch, ça va être grandiose. J'ai hâte, je suis tout feu, tout flamme. Claude Sautet, avec lequel Yves Montand tourna le superbe César et Rosalie, librement inspiré de Luca et Leila, de Léa Marciano. Et surtout Vincent, François, Paul et les autres. À propos de ce film, je peux même vous faire une révélation. Il y aura bientôt une suite, ça s'appellera Gilles, Thibault, Jean-Paul et les autres. Alors bien qu'ayant tourné dans Le Milliardaire, Yves Montand est né pauvre. Son père n'avait que des salaires de la peur. Ce qui explique ses débuts dans le music hall. Alors le music hall, ça consiste à faire de la musique dans le hall du meuble en faisant la manche. J'ai bien dit en faisant la manche, pas en la traversant. Faire de la musique dans les halls d'immeubles en traversant la manche à la nage, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas donné à tout le monde, faut pas être manchot. Parce que si vous traversez la manche en étant manchot, vous coulez. Sauf si vous avez des palmes. Mais pour recevoir des palmes, il faut faire du cinéma. C'est la raison pour laquelle Yves Montand décida de faire du cinéma. Logique. Il y a Gaël qui me regarde avec un air. Effaré, Daniel. Ah, une réaction. Mais ici, ça marche. Une sur hashtag Pantex de Luc Jacquet, réalisateur de La Marche de l'Empereur, qui nous dit que les manchots, ça nage. N'importe quoi. Bon, écoutez, monsieur Jacquet, c'est pas parce que vous avez sans doute fait un court-métrage étudiant sur l'accession au pouvoir de Napoléon, vous pouvez vous permettre de donner votre avis sur tout. Pantouf Explosif, c'est une émission sérieuse, à côté de laquelle l'émission Le Masque et la Plume de France Inter est une pignolade. D'ailleurs, en parlant de masque, je dois reconnaître qu'avoir été très déçu par la performance d'Yves Montand dans Z, le film de Costa Gavras, puisqu'à aucun moment du film, on le voit mettre le masque de Zorro pour combattre le sergent Garcia, devenu colonel. Costa Gavras, pour lequel il tournera également dans État de siège, l'histoire d'un siège en mauvais état, de l'aveu du réalisateur. Yves Montand a également tourné dans l'excellent Grand Prix de John Frankenheimer, film qui raconte la vie d'un pilote de Formule 1. Autant vous dire que ce film est dans mon panthéon personnel à côté de Le Mans et Rush. Film dont j'ai déjà parlé ici avec enthousiasme et que personne ne connaissait. Ce qui a provoqué le plus grand vent de ma vie de chroniqueur. Ah ça évidemment, c'était pas Les Visiteurs 3, tournée réalisée par Steven Spielberg, hein, ça c'est clair. Mais je m'égare, Sophie t'oublie pas, 8h17. Bon, je sens bien que j'ai pas dit assez de choses sur ce grand artiste, on regardera sa carrière. Mais je le ferai une prochaine fois puisque désormais j'ai tout mon temps. Merci. Oh. Bravo Jean-Paul. Merci à vous. Bravo.